À ces mots d'Eurylock, aussitôt je reprends. Eurylock, tu peux ne pas bouger d'ici. Au flanc du noir vaisseau, reste à manger et boire. Moi, je pars. Le devoir impérieux est là. Et je quitte à ces mots le navire et la mer. Je venais de passer par le vallon sacré, et j'allais arriver à la grande demeure de Circé la drogueuse, quand près de la maison, j'ai devant moi Hermès à la baguette d'or. Il avait pris les traits d'un de ces jeunes gens, dont la grâce fleurit en la première barbe. Il me saisit la main, me dit et déclare, « Où vas-tu, malheureux, au long de ces coteaux, tout seul et dans ces lieux que tu ne connais pas ? Chez Circé, où tes gens transformés en pourceaux sont maintenant captifs au fond des sous bien closes ? Tu viens les délivrer ? Tu n'en reviendras pas, crois-moi. Tu resteras à partager leur sort. Mais je veux te tirer du péril, te sauver. Tiens, c'est l'herbe de vie. Avec elle, tu peux entrer dans ce manoir, car sa vertu t'évitera le mauvais jour. Et je vais t'expliquer les desseins de Circé et tous ses maléfices. Ayant fait son mélange, elle aura beau jeter sa drogue dans ta coupe, le charme en tombera devant l'herbe de vie que je vais te donner. Mais suis bien mes conseils. Aussitôt que du bout de sa longue baguette, Circé t'aura frappé, toi, du long de ta cuisse, tire ton glaive à pointe et lui sautant dessus, fémine de l'oxyre. Tremblante, elle voudra te mener à son lit. Ce n'est pas le moment de refuser sa couche. Songe qu'elle est déesse, que seule elle a pouvoir de délivrer tes gens et de te reconduire. Mais fais-la te prêter le grand serment des dieux, qu'elle n'a contre toi aucun autre dessein pour ton mal et ta perte, que t'ayant là sans armes, elle ne fera rien pour te prendre ta force et ta virilité. » Ayant ainsi parlé, le dieu au rayon clair tirait du sol une herbe qu'il m'apprit à connaître avant de la donner. Puis Hermès, regagnant les sommets de l'Olympe, disparut dans les bois. Au manoir de Circé, j'entrai. Que de pensées bouillonnaient dans mon cœur. Sous le port de la déesse aux belles boucles, je m'arrête et je crie. La déesse m'entend. Elle accourt à ma voix. Elle sort, et m'ouvrant sa porte reluisante, elle m'invite. Et moi, je la suis, en dépit du chagrin de mon cœur. Elle m'installe en un fauteuil au clou d'argent, un beau meuble ouvragé avec un marchepied. Et dans la coupe d'or dont je vais me servir, elle fait son mélange. Elle y verse la drogue. Ah, l'âme de traîtresse. Elle me tend la coupe. D'un seul trait, je bois tout. Le charme est sans effet. Même après que, m'ayant frappé de sa baguette, elle dit et déclare. « Maintenant, viens au tech coucher près de tes gens. » Elle disait. « Mais moi, j'ai du long de ma cuisse tiré mon glaive à pointe. Je lui saute dessus. Fais mine de l'oxyre. » Elle pousse un grand cri, s'effondre à mes genoux, les prend, me prie, me dit ces paroles ailées. Quel est ton nom, ton peuple, et ta ville, et ta race? Quel grand miracle, quoi? Sans être ensorcelé, tu m'as bu cette drogue? Jamais, au grand jamais, je n'avais vu mortel résister à ce charme, dès qu'il en avait bu, dès que cette liqueur avait franchi ses dents. Il faut qu'habite en toi un esprit invincible. C'est donc toi qui serais l'Ulysse aux mille tours. Le dieu rayon clair, à la baguette d'or, m'avait toujours prédit qu'avec son or croiseur, il viendrait cet Ulysse à son retour de Troie. Mais allons, c'est assez. Rentre au fourreau ton glaive et montons sur mon lit. Qu'unis sur cette couche et devenu amant, nous puissions désormais nous fier l'un à l'autre. À ces mots de Circé, aussitôt je réponds. Circé, comment peux-tu invoquer ma douceur? Toi qui dans ce manoir, fille de mes gens des porcs, et qui, m'ayant ici, ne veux que me trahir. Quand tu me viens offrir et ta chambre et ton lit, c'est pour m'avoir sans armes, c'est pour m'ôter ma force et ma virilité. Non, je n'accepterai de monter sur ta couche que si tu consentais, déesse, à me jurer le grand serment des dieux que tu n'as contre moi aucun autre dessein pour mon mal et ma perte. Je disais, et, suivant mon ordre, elle jura. Quant à lui prononcer et sceller le serment, je montai sur le lit somptueux de Circé.